qu'il y a tout ça. Je reviens enfin chez moi, j'y croyais plus. Il y en a tant d'autres qui ne sont jamais revenus. Et s'il me reste du temps, et s'il me reste du temps, mieux qu'avant, je parlerai au vent et j'écouterai les gens. Je reviens chez moi. Je verrai tomber la pluie quand le ciel est gris. J'attendrai le soleil pour réchauffer ma vie. Et je ne m'endormirai plus sans t'avoir dit je t'aime. Et je prendrai tout mon temps. Oui, je prends.